vendre frais. C'est le 59, mon bug, là où je suis né. Viens pas tester ou on dévance. De l'épinette de province, en passant par le centre. Au Mont, ici on encule les flics. C'est l'exotique, le quartier du fort. Et on n'oublie pas la transit. L'ouvrage, fais pas ta pédale ou ça va faire mal. Lac du paradis, viens pécho ton bout de chie, ouais. Je monte, c'est pour les pros. Fais pas ta pute ou on te bute. C'est pour la famille, les poteaux. Zone sud, camp turc et Théophilo. Fini, tout petit, j'pensais déjà à mettre des coups de tragma dans la gueule des darbas. C'est le 59, Roya, sous le bois pour la familia. On sent le peu bon en cas de garba. Chez nous, y'a pas de garba. Au noir, place du 8 mai. Est-ce qu'à fuite avec moi, vous direz. Venez me contacter, c'est l'artiste qui sera à vos côtés. La Vénois, avec le sang est chaud dans nos veines. Y'a pas de test ou en ken. Verdun, Belle Triso et l'Alsacienne. Sans le château, c'est le bordel là-haut. Fourmis, chaque jour, même des petits risquent leur vie. Attention, mon département est haute tension. Toute la région valenciennoise, Douai, Anzin, Beuvrage, ouais. C'est du lourd pour la région lilloise. Roubaix, j'irai toi, j'irai pas, ça craint là-bas. Vaut mieux que tu restes chez toi. Aime, Tourcoing, ce qu'on aime, c'est que chez nous y'a pas de putain. L'île, tous illégales, qu'on rend même des pils. Marc en Barreuil, mon sang Barreuil, c'est du hardcore. Encore l'artiste, la Lille, Moma. Et les amateurs qui représentent le terre-terre, ouais. 59, 62, frère. On vient représenter le 62 et le 59 sur le B2. Viens pas tester un putain de refrain qui vient représenter. J'en place une pour tous les frères qui galèrent. 62, 59 sur nos plaques. Ici, avant les langues de pute, parler, nous on vient représenter le Nord-Pas-de-Calais. La connexion est lancée de Saïkou en passant par le Val de Sambre. J'ai le 6-2, faire de représenter ma région. J'en place une pour lancer son foot à foot, direction la Ligue 2. Saïkou ma zone, on nique les jaloux. Au bout du bout du bout, je reste debout. Je dédicace mon boulogne, j'oublie pas mes bébés thunes. Je vais bébé game, ça fait style. Mon talent issu du 6-2, 6-2, puis 2. Je m'en bats les couilles, les rumeurs des poules. Je t'ai les débarques avec un son qui claque. Les rageux, je les pèse. C'est pour les oublier calés. Arras 6-2 et tout le secteur. Rafale de chants et de tracteurs. Momo sur mon dos, à mort les fachos. On vient représenter 62 et 59 sur le B2. Viens pas tester un putain de refrain qui vient représenter. J'en place une pour tous les frères qui galèrent. 62, 59 sur nos plaques. Ici, avant les langues de pute, parler. Nous on vient représenter le Nord-Pas-de-Calais. On vient représenter 62 et 59 sur le B2. Viens pas tester un putain de refrain qui vient représenter. J'en place une pour tous les frères qui galèrent. 62, 59 sur nos plaques. Ici, avant les langues de pute, parler. Nous on vient représenter le Nord-Pas-de-Calais.